Judex d'Arthur Bernède, épisode 6e, le môme réglisse, chapitre 1er, où le voile se déchire. Devant une table coiffeuse élégamment et minutieusement garnie, une jeune femme, délicieusement jolie, dont les traits légèrement tirés et le teint encore pâle révélaient une récente maladie, achevait de procéder à sa toilette, lorsqu'une gentille camériste, au regard plein de malice, souleva une portière, demandant sur un ton plein de sympathie respectueuse, « Madame n'a besoin de rien. »« Mon Dieu, non, Mariette !» répondit Jacqueline Aubry, qui, avec un accent plein de douceur et de bienveillance, ajouta aussitôt. « À moins que vous ne vous décidiez enfin à me dire où je suis. » « Madame ne tardera pas à le savoir. »« Alors, pourquoi tout ce mystère ?»« Je ne puis rien dire à madame. » Et mettant un doigt mystérieux sur ses lèvres, Mariette disparut avec un sourire énigmatique. Jacqueline, très intriguée, se mit à récapituler tous les événements des jours précédents et dont elle avait gardé le souvenir. Tout d'abord, elle se rappelait très nettement qu'ayant reçu un télégramme lui annonçant que son petit garçon était très malade, elle s'était empressée de prendre le train pour l'Oisy, et qu'au milieu du pont qui traverse la Seine, elle avait été assaillie par deux malandrins et précipitée par eux dans le fleuve. À partir de ce moment, ses souvenirs devenaient extrêmement confus. Il lui semblait bien qu'elle s'était retrouvée chez les Bontemps, étendue sur un lit, que son petit garçon, à genoux près d'elle, l'avait embrassé, et qu'ensuite elle avait perdu connaissance. Elle croyait également se rappeler qu'on l'avait emmenée dans une voiture très rapide, puis qu'auprès d'elle on criait, on se disputait, on se battait, sans qu'elle pût faire un mouvement, lancer un appel, figée dans une sorte de torpeur dont rien n'aurait pu l'attirer. Tout à coup elle avait la sensation fulgurante d'un retour à la vie. Près d'elle se tenait un homme vêtu de noir dont elle ne pouvait distinguer les traits, et dont elle apercevait seulement les deux grands yeux qui la considéraient dans un véritable rayonnement de bonté infinie et de profonde pitié. Puis la nuit s'était faite de nouveau en elle. Elle était retombée dans ce sommeil de plomb qui ressemble tant à la mort. Lorsqu'elle avait repris connaissance, elle se trouvait dans une chambre élégante et claire. Mais les objets qui l'entouraient, elle ne les avait jamais vus. Aussi, dès qu'elle eut la force d'articuler quelques mots, demanda-t-elle à Mariette, qui s'était installée à son chevet. « Où suis-je ? » « Chez des amis, qui ont juré de vous sauver et vous sauveront, » répondit la femme de chambre. « Et mon fils ? » « Vous le verrez bientôt, mais ne parlez pas. Reposez-vous, ne vous inquiétez de rien. Laissez-vous soigner, laissez-vous guérir. Vous saurez alors toute la vérité, et je crois, madame, que ce sera pour vous un bien beau jour. » Jacqueline, encore très faible, avait obéi à sa garde malade, qui lui témoignait de plus en plus de dévouement. Chaque jour, c'était de nouvelles et délicates attentions. Un matin, Jacqueline avait trouvé sur sa table de nuit le portrait de son Jeannot bien-aimé. Une autre fois, ce fut une petite lettre. « Ma maman chérie, je sais que tu es guérie et que nous nous reverrons bientôt. Je suis heureux, je suis sage et je t'aime. Ton Jeannot. Le môme réglisse, t'embrasse bien fort. » Chaque jour, Jacqueline avait vu les plus belles roses, ses fleurs préférées, se renouveler en bouquets splendides dans les vases de sèvres qui ornaient la cheminée. Dans cette atmosphère de calme rassurant et de mystérieuse sympathie, la fille du banquier, plus moralement atteinte que physiquement, était revenue assez vite à l'existence. Et voilà qu'enfin elle allait savoir qui l'avait conduite là. Elle allait connaître le bienfaiteur inconnu sur lequel aucun indice ne lui permettait de fixer ses soupçons. Un instant, elle avait songé aux deux Birargues, mais elle avait réfléchi aussitôt que d'abord il devait se trouver encore dans les Cévennes, et qu'en admettant qu'elle eût été recueillie par eux, il n'avait aucune raison de se tenir systématiquement éloigné d'elle. Un moment, le nom de Judex avait tinté à son oreille. Vite, elle l'avait écarté. Mais de nouveau, il s'était imposé avec une certaine insistance. Cette pensée qu'elle devait peut-être une seconde fois son salut à celui qu'elle considérait comme le meurtrier de son père l'avait douloureusement affligée, provoquant même chez elle une sorte de crise morale qu'un regard au portrait de son fils avait vite apaisé. Enfin, Mariette venait de le lui dire. Elle allait savoir. Un coup discret, frappé à sa porte, la fit tressaillir. « Entrez, » fit-elle, tout émue à la pensée qu'elle allait se trouver en face de la vérité. Un cri de surprise extrême et de joie spontanée lui échappa. Le bon Vallière, l'ancien secrétaire de son père, était devant elle. « Vous, vous, » fit-elle, « oh, que je suis heureuse de vous revoir, mon ami. Car j'espère bien, au moins, vous allez me dire où je suis. Madame, vous êtes chez moi. Chez vous, comment ? Vallière, tirant une lettre de sa poche, la tendit à Jacqueline en disant « Voilà qui vous expliquera tout. » La fille du banquier s'empara de la lettre et lut. « Madame, vous êtes entourée de tant de pièges que j'ai cru devoir vous confier à votre ami le plus sûr qui vous remettra cette lettre. Il exécutera toutes vos volontés. Je n'ose me présenter à vous et pourtant il n'est personne au monde qui vous soit plus dévoué que moi. » Judex. À cette lecture, les yeux de Jacqueline s'étaient assombris. Son visage révélait un émoi profond, et ce fut d'une voix toute frémissante qu'elle interrogea. « Quel est ce Judex ?»« Je l'ignore, » répondit Vallière. « L'avez-vous vu ?»« Non. C'est un de ses serviteurs qui vous a conduit ici et m'a demandé, au nom de son maître, de veiller désormais sur vous. Maintenant, chère madame, vous voilà à l'abri de tout danger. Je suis obligé de m'absenter assez souvent, car ainsi que je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de retrouver une très bonne situation. » Qui me prend du temps et me demande beaucoup de travail. Mais vous connaissez Mariette et ma gouvernante, Madame Fleury. Vous êtes sûre d'être entourée par elle de tous les soins dont vous avez encore besoin et de toutes les attentions que vous méritez. La seule chose que je vous demanderai sera de ne pas quitter cet appartement jusqu'à ce que j'aie acquis la certitude que vous n'êtes plus menacée. Ce qui ne tardera pas, je l'espère. Et mon fils, dès demain il sera près de vous. « Oh, merci, mon bon Vallière, merci de toute mon âme !» s'écria Jacqueline en saisissant la main de son protecteur. Puis, sur un ton d'affectueux reproche, elle questionna. « Pourquoi ne pas m'avoir dit cela plus tôt ? Pourquoi tout ce mystère ?»« Il le fallait, » répondait l'ancien secrétaire. « Vous souffriez surtout d'une commotion nerveuse que la moindre émotion pouvait aggraver. C'est d'accord avec mon médecin, sur lequel vous pouvez compter, comme sur moi-même, que nous vous avons tenu jusqu'à présent dans l'ignorance de la réalité. « Mon ami, » reprenait Jacqueline, toute vibrante de la plus douce des gratitudes, « jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. » Mais Vallière protestait. « Je n'ai fait que vous accueillir et c'est... » Il n'acheva pas, comme s'il avait peur de blesser la jeune femme en prononçant devant elle le nom fatidique. Mais Jacqueline fit elle-même « Judex, n'est-ce pas ?»« Oui, Judex. » fit simplement le secrétaire. « Et vous ne connaissez rien de lui ?»« Non, madame. » L'ancien secrétaire, après avoir hésité, fit d'une voix qui avait pris une gravité impressionnante. « Il paraît que vous l'avez vu. »« Moi ? Oui. » »« Ne vous souvient-il pas d'un homme qui s'est penché sur vous, quand vous avez ouvert les yeux dans le moulin de Kerjean ?»« Non. » affirmait Jacqueline en faisant les plus grands efforts pour rassembler ses souvenirs. « Je ne me souviens pas. » Puis, tout en enveloppant de son magnifique éclair regard de loyauté l'ancien collaborateur de son père, elle fit « Vous ne me dites pas la vérité. » « Oh, madame !» « Ou du moins, vous en savez beaucoup plus long que vous ne voulez m'en révéler. » « Cependant, comment seriez-vous au courant de tous ces détails si ce Judex ne vous avait pas fait ses confidences ?»« Je vous l'ai déjà dit, chère madame, je n'ai vu que son serviteur. » « Je veux bien vous croire. » Mais une autre, une dernière question à laquelle je vous adjure de me répondre avec la plus entière franchise. Avez-vous le moyen de communiquer avec Judex ? Oui, madame, répondit nettement Vallière. Eh bien, veuillez avoir l'obligeance de lui écrire une lettre que je vais vous dicter. Très volontiers. Et Vallière, qui semblait non moins ému que sa protégée, s'installa devant une table où se trouvaient tous les objets nécessaires à une correspondance, trempa sa plume dans un encrier d'une main qui tremblait légèrement et fit « Madame, je suis à vos ordres. » Jacqueline s'était entièrement ressaisie, en pleine possession de sa pensée, toute vibrante de la dignité la plus pure, en même temps que de la volonté la plus forte. Elle commença à dicter d'une voix ferme, assurée. « Monsieur, Monsieur Vallière vient de me mettre au courant des circonstances à la suite desquelles je me trouvais en ce moment chez lui. C'est très volontiers que j'accepte l'hospitalité de ce bon, de cet excellent homme. » Mais je ne veux la tenir que de lui. Et encore est-ce à la condition que mon fils vienne la partager avec moi. Ceci a toujours été entendu, interrompait Vallière doucement. Jacqueline continuait à dicter. Quant à vous, monsieur, si vrai soit-il que je vous dois la vie, votre nom mystérieux évoquera toujours en moi le sombre drame de la mort de mon malheureux père. Je n'ose le répéter, et je ne le lis plus qu'avec effroi. Je demanderai donc à monsieur Vallière de ne plus le prononcer devant moi. C'est fini ? demanda Vallière à Jacqueline qui s'était arrêtée. « Oui, c'est fini. » D'un geste impassible et froid, Vallière tendit la lettre à la jeune femme qui signa et la remit à son hôte en disant « Croyez, mon ami, que je n'oublierai jamais la nouvelle preuve de dévouement que vous me donnez là. « Je ne fais que mon devoir, » fit l'ancien secrétaire en s'inclinant et en embrassant respectueusement la main que lui tendait Jacqueline. Puis il regagna l'antichambre qu'il traversa dans toute sa longueur et pénétra aussitôt dans son cabinet de travail. Appuyant sur le bouton d'une sonnerie électrique, il attendit un instant, regardant avec fixité la lettre de Jacqueline à Judex, qu'il avait déposée devant lui, sur son bureau, jusqu'au moment où, après avoir frappé à la porte, apparut une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'une robe noire et à la physionomie aimable et intelligente. C'était la gouvernante, Madame Fleury. « Gabriel, » fit M. Vallière, « je vais probablement être obligé de m'absenter. Je vous recommande de redoubler de surveillance et surtout de ne laisser pénétrer ici personne en dehors des gens dont je vous ai donné les noms. Monsieur peut compter entièrement sur moi. Vous surveillerez attentivement Mariette. C'est une fille très sérieuse et dont j'ai pu apprécier les qualités. Mais elle est jeune, elle est jolie, elle peut être tentée. Au moindre soupçon qu'elle vous inspirerait, n'hésitez pas à la renvoyer sur le champ et téléphonez-moi comme toujours à l'endroit indiqué. « Monsieur peut compter sur moi, » répliqua Madame Fleury, qui semblait avoir pour son patron une vénération sans borne. « Et maintenant, Gabriel, laissez-moi et surtout que personne ne me dérange. »« Pas même, Monsieur Roger. J'ai dit personne. » « Bien, monsieur. » La gouvernante tourna les talons et disparut. Alors Vallière se leva, fit quelques pas saccadés à travers la pièce, s'en fut fermer sa porte au verrou, puis revenant à sa table, il se laissa tomber sur son fauteuil et, plongeant la tête entre ses mains, il parut s'absorber en une profonde rêverie. De profonds soupirs gonflaient sa poitrine. Ses épaules eurent quelques tressaillements douloureux, tandis que ce nom, prononcé avec un accent déchirant, s'étranglait dans sa gorge. « Jacqueline !» Et voici que tout à coup Vallière se relève. Sa taille courbée s'est redressée. Ses yeux brillent d'un feu étrange et dans un geste brusque, arrachant la perruque et la barbe postiche, qui, véritable chef-d'œuvre de camouflage, le rendent méconnaissable, il laisse apparaître le visage austère et superbe de Judex. Tandis que cette phrase s'échappe de ses lèvres, « J'en étais sûr. Elle ne m'aimera jamais. »